Lors de notre dernière émission, nous nous sommes penchés sur l'histoire de la naissance d'Ésaü et de Jacob, puis sur le sort d'Ésaü et de sa descendance. Aujourd'hui, il sera question des parents d'Ésaü et de Jacob, c'est-à-dire d'Isaac et de Rebecca. C'était un couple profondément croyant. Ils n'avaient pas affaire à un Dieu distant et inconnu, mais au Dieu d'Abraham, celui qui a parlé aussi à Isaac et lui a dit « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. » Genèse 26, 4 à 5. D'une génération à l'autre, il y avait donc continuité dans les promesses de Dieu. Abraham les avait transmises à Isaac, et Isaac devait les transmettre à sa descendance. Avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, Rebecca, femme d'Isaac, avait reçu un message de la part de Dieu au sujet des deux enfants qui étaient dans son sein. « Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus petit. » Genèse 25, 23. Des siècles plus tard, l'apôtre Paul reviendra sur cet incident en ces termes. « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. » Romains 9, 11 à 12. Il appartenait donc à Isaac et Rebecca de veiller attentivement sur leurs deux fils et de veiller surtout sur Jacob, le plus jeune, puisque Dieu voyait en lui l'instrument de son dessein éternel. Mais il arrive qu'avec le temps, l'appel de Dieu et ses paroles s'estompent dans nos esprits. Pour Isaac, 40 ans se sont écoulés. Il est devenu centenaire. Pessimiste de nature, il pense qu'il va mourir. Il ignore à ce moment-là qu'il vivra jusqu'à 180 ans, Genèse 35, 28, soit encore 80 ans. Fatigué de la vie, il décide alors de transmettre son héritage spirituel. Mais il semble qu'il a complètement oublié que le plan de Dieu se réalisera par Jacob et non par Ésaü. Y aurait-il parmi les auditeurs de cette émission des vétérans du troisième âge quelque peu lassés? Peut-être êtes-vous, comme Isaac, affecté par certaines infirmités physiques. Chers amis, veillez aux décisions que vous pourriez prendre dans un moment de découragement. Ne vous repliez pas sur vous-même. Ne demeurez pas rivé sur la seule perspective de la fin de votre course terrestre. Il est des chrétiens âgés qui savent manifester la fraîcheur de la résurrection autour d'eux en dépit de leur faiblesse physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert un secret, celui que l'apôtre Paul dévoile aux chrétiens de Corinthe lorsqu'il écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 à 18. Chers amis du troisième âge, que le Seigneur dirige le regard de votre foi vers la patrie céleste et que vous trouviez dans les réalités futures l'espérance qui doit transformer vos circonstances présentes. Mais revenons à Isaac. Une lecture attentive du texte biblique nous montre que son foyer n'était pas harmonieux. Une petite phrase de Genèse 25 laisse entendre que des dissensions profondes étaient intervenues entre lui et sa femme. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Genèse 25, 28. Peut-être que le tempérament casanier de Jacob ne suscitait chez son père que le mépris. Par contre, l'esprit d'aventure de l'habile chasseur qu'était Ésaü devait faire son admiration, au point qu'il en oubliait ses travers et son impiété. Isaac s'était peut-être aussi lassé de l'insistance de Rebecca, qui mettait toujours en avant Jacob, son favori. Hélas, de telles situations se retrouvent aujourd'hui, même au sein de familles chrétiennes. Que de larmes versées secrètement, et que d'occasions où l'un des conjoints manifeste son favoritisme. Que de crises douloureuses, de querelles inutiles, de discussions tenues à propos des enfants, et peut-être même devant eux. Alors le foyer chrétien, qui aurait dû être un refuge de paix et un modèle d'amour véritable, devient un centre de tensions insupportables et un nid d'amertume. Quant à Isaac, en ce jour particulier, il prend à part son fils aîné, Ésaü, et lui donne un ordre surprenant. « Je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Genèse 27, 2 à 4. Qu'Isaac veuille bénir son fils, c'est bien. Mais le comprenons-nous, ce détenteur des promesses divines, ce prétendu serviteur de Dieu, qui veut faire dépendre la bénédiction de Dieu d'un bon repas, comme si la satisfaction de nos appétits était nécessaire pour faire mouvoir le bras du Seigneur? Dans ce chapitre 27 de la Genèse, il semble qu'Isaac passe par une véritable éclipse spirituelle. Non seulement il associe ce qui est sacré à la satisfaction de ses désirs personnels, mais ce qui est plus grave encore, il brave la volonté divine pourtant révélée avant la naissance des deux frères, en voulant accorder la bénédiction patriarcale à Ésaü l'aîné plutôt qu'à Jacob le cadet. Pourtant, Ésaü ne s'était-il pas volontairement privé du droit d'aînesse? N'avait-il pas montré une attitude superficielle et profane face aux réalités les plus sacrées? Mais Isaac n'en tient pas compte. C'est comme s'il avait perdu de vue le fil d'Ariane du plan et des promesses de l'Éternel pour arriver à la réalisation de son désir, qu'Ésaü, son favori, bénéficie de tout ce qu'il y a de plus précieux. Vous connaissez la suite du récit. Ésaü est parti à la chasse. Pendant ce temps, Rebecca et Jacob, d'un commun accord, trompent le vieillard centenaire. Jacob, revêtu des habits d'Ésaü, présente à son père un chevreau apprêté selon ses goûts, et le vieillard, sans doute aveugle, mange, puis bénit son cadet. « Que Dieu te donne la rosée du ciel, du blé et du vin en abondance. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. » Genèse, chapitre 27, versets 28 à 29. Lorsqu'Ésaü revient et présente à son tour son repas, soigneusement préparé, c'est trop tard. Son père n'a pas d'autre bénédiction en réserve, car il a tout donné à Jacob. Isaac a voulu ménager son fils aîné, pourtant répréhensible. Il n'a pu lui léguer qu'une malédiction. Rebecca, quant à elle, a cherché à avantager Jacob, non pas parce qu'elle s'est souciée du plan de Dieu, mais par favoritisme. Or, le favoritisme de cette maman avait probablement privé depuis longtemps son foyer de l'équilibre protecteur de la prière entre conjoints. Rebecca agissait par intrigue. Des années de contestation avaient dû développer chez elle une mentalité de détective. Lisez attentivement Genèse 27. Elle épie les moindres gestes de son mari en faveur de son fils aîné. Elle ne perd pas un mot de l'entretien d'Isaac avec Ésaü. Puis, avec la promptitude de l'éclair, elle dresse un plan astucieux. Ne reculant ni devant le mensonge, ni devant la tromperie, Rebecca s'empresse d'associer son fils favori à son projet. La bénédiction patriarcale doit être volée, au risque de rejaillir en malédiction sur elle-même. Genèse 27, 13. Rebecca a apparemment réussi, puisque Jacob a été béni à la place d'Ésaü. Mais la bénédiction de Dieu ne s'accomplira sur Jacob que beaucoup plus tard. Et Rebecca ne vivra pas assez longtemps pour en voir la réalisation. Cette mère, qui craignait d'être privée de son fils cadet, Genèse 27, 45, doit organiser elle-même son départ de la maison, car la haine d'Ésaü se déchaîne. Rebecca pense que l'absence de Jacob durera quelques mois, peut-être un peu plus. Mais quand 20 ans plus tard, il reviendra au foyer paternel, Rebecca ne sera plus. Il est un texte auquel nous devrons souvent revenir en étudiant ces chapitres de la Genèse. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Cette leçon-là, Jacob devra également l'apprendre. Mais avant que nous nous penchions sur cette vie si riche en enseignements pour nous, ne voulons-nous pas nous regarder nous-mêmes en cet instant dans le miroir de la parole divine et reconnaître à notre tour nos inconséquences, nos défauts et nos actes de désobéissance? Oui, nous sommes capables de tout pour arriver à nos fins. Ne l'oublions pas, en chacun de nous se cache un Isaac qui veut tout subordonner à la jouissance de sa vie physique, ou une Rebecca prête à mentir et à tromper pour atteindre son but. Confessons donc nos fautes, nos manquements, notre infidélité. Demandons pardon à ceux que nous avons offensés. Retrouvons la prière entre conjoints, la prière en famille, la prière en faveur des enfants et surtout le profond désir d'accomplir la volonté de Dieu en toute occasion. Que nos vies, nos foyers soient transformés et que nos relations avec nos enfants ou avec nos proches soient désormais empreintes de vérité, d'amour, d'humilité et de dépendance du Seigneur.